au cap, paume vers le ciel. J'avance en voie, la sonde, tout est réel, je me renouvelle. On fera le tour du monde sans jamais répondre à l'appel. J'y perds ma part, tombe le poids des soucis sur les ailes. Je me souviens de chaque seconde, y'a air, j'ai plus rien à sonder. Mon cœur est déjà plombé, des rêves et des regrets. Le temps nous a changé, on comptera sur le ralice. J'évolue en zone à risque, émerveillée comme Alice. Remplis les valises, un aller sans retour. Entre joie et peine, un sentiment d'amour. Habillé par la haine, je vais passer fait la sourde. Libérée de mes chaînes, projet sorti du four. Je débarque sur la scène, je me console et j'encaisse les bails. Depuis le début, mon cœur est ice. Ils m'ont dit ton avenir est die. Je dépose ma vida sur les rails. Je me console et j'encaisse les bails. Depuis le début, mon cœur est ice. Ils m'ont dit ton avenir est taille. Je dépose ma vida sur les rails. Le gang a sonné, plein de voix à m'étonner. Le regard inondé, quand la roue a tourné. Je fais face à mes songes, je cavale pour y plonger. Zigzag entre les étoiles quand le ciel est criblé. La street est sur écoute, les putains redemandent. Lendemain sans issue, les fainéants espèrent un plan B. L'attente est longue, pilule rouge au bout de langue. Le mal déambule quand le ciel commence à tomber. J'finis la nuit au bord de l'ivresse, j'attends que ma folie cesse. J'essaye à réparer ma tristesse, j'encaisse sans politesse. J'pense à l'oseille, j'pense à mon business, redémarre en vitesse. Une mine d'or pour signe de richesse, face à leur maladresse. J'me console et j'encaisse les bails. Depuis le début, mon cœur est ice. Ils m'ont dit ton avenir est die. J'dépose ma vida sur les rails. Je me console et j'encaisse les bails. Depuis le début, mon cœur est ice. Ils m'ont dit ton avenir est taille. Je dépose ma vida sur les rails. Je me console et j'encaisse les bails. Depuis le début, mon cœur est ice. Ils m'ont dit ton avenir est taille. Je dépose ma vida sur les rails. Je me console et j'encaisse les bails. Depuis le début, mon cœur est ice. Ils m'ont dit ton avenir est taille. Je dépose ma vida sur les rails. J'encaisse les bails. Je dépose ma vida sur les rails. Les rails.